tard, dis-moi pourquoi tu m'appelles. Fais pas semblant, tu sais très bien, toi et moi c'est la fin. J't'ai tellement mis en valeur, t'as fait la belle. Tu regrettes tes faits et gestes, regarde maintenant tu reviens. J'ai une autre femme dans mon vaisseau, de mon cœur t'as tes os. T'insulter, j'te jure, là j'me retiens. Depuis j'suis revenu à la raison, j't'attends plus à la maison. Oublie, j'suis plus piqué, allez tiens. Nous deux c'est du passé, t'es plus dans mes pensées. Qu'est-ce que tu veux que j'te dise, j'ai plus rien à dire. Nous deux c'est du passé, t'es plus dans mes pensées. Après l'heure c'est plus l'heure, j'te renvoie l'ascenseur. J't'ai mis sur le tego, tego, tego, tego, ouais. Tego, tego, tego, tego, ouais. J't'ai mis sur le tego, tego, tego, tego, ouais. Tego, tego, tego, tego, ouais. Laisse-moi dans mon coin. Depuis que t'es parti, c'est bizarre mais je me sens bien. Laisse-moi dans mon coin. Depuis que t'es parti, c'est bizarre mais je me sens bien. T'as du culot de revenir après ce que t'as fait. J'sais même pas comment tu fais pour te regarder dans la glace. J'suis bien élevé donc j'te raccroche pas au nez. J't'écoute parler mais j'te le dis, tes mots doux là ça m'agace. Arrête-moi tout ton ciné. Tu croyais me mener par le bout du nez. Tu m'as vu avec une autre, t'as halluciné. Faut que tu comprennes, tu n'es plus ma dulcinée. Nous deux c'est du passé, t'es plus dans mes pensées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'ai plus rien à dire. Nous deux c'est du passé, t'es plus dans mes pensées. Après l'heure c'est plus l'heure, je te renvoie l'ascenseur. Je t'ai mis sur le tego, tego, tego, tego, ouais. Tego, tego, tego, tego, ouais. Je t'ai mis sur le tego, tego, tego, tego, ouais. Tego, tego, tego, tego, ouais. Laisse-moi dans mon coin. Depuis que t'es parti, c'est bizarre mais je me sens bien. Laisse-moi dans mon coin. Depuis que t'es parti, c'est bizarre mais je me sens bien.